Alfred Villemorse à Théodore Dilling, à Naples. Mon cher Théodore, regarde bien le timbre de ma lettre. Tu ne vois pas d'où elle vient, n'est-ce pas? D'abord, il n'y a pas de bureau de poste ici, c'est le facteur qui vient chercher les lettres. Nous ne sommes qu'à 2 heures de Vienne et pourtant nous sommes aussi cachés que si nous étions en 100 lieues. Une petite auberge toute riante, près de la grande route, dans la forêt. En réalité, la dépendance d'un moulin. C'est la solitude. De temps en temps entrent quelques paysans. Habituellement, nous sommes seuls. C'est tout au plus si l'aubergiste vient quelquefois s'asseoir à notre table. Nous nous levons dès l'aurore. Ici, on peut parler d'aurore. De la forêt qui commence derrière la maison monte les 2 parfums du matin. La moitié de l'après-midi ou l'après-midi entière, nous la passons là-haut, dans les bois, étendus tous les deux, sur une couverture de voyage, à regarder le ciel et à respirer l'air pur et calme dont la douceur nous enveloppe. Oui, nous nous aimons beaucoup. Car, tu l'avoueras, il faut s'aimer beaucoup pour supporter une telle solitude. Mais c'est vraiment superbe ici, et à l'auberge, on n'est pas trop mal. Après déjeuner, nous restons généralement assez longtemps dans notre chambre, et elle dort un peu, comme en ce moment par exemple. Je m'assieds alors près de la fenêtre et je laisse arriver jusqu'à moi les senteurs de la forêt, ce qui, à vrai dire, est la seule distraction qu'on puisse avoir ici. Mais ce qui est exquis, c'est qu'on ne sent pas le besoin d'autre chose. Lorsqu'elle est réveillée, nous allons faire une promenade, dans la forêt naturellement, car il n'y a pas ici d'autre promenade. Un petit sentier ravissant, ombragé, conduit au village voisin, un pauvre petit village, rien que des chaumières. Nulle trace de bourgeois venus pour la saison. C'est précisément cela qui est agréable. On ne voit âme qui vive, sauf quelques paysans. Après nous être bien promenés dans la forêt, nous revenons le soir, quand le soleil est couché, par la grande route à notre auberge. Sur les grandes routes, nous ne rencontrons que des diligences, des charrettes et surtout des garçons meuniers. Puis nous dînons dans le jardin. Il n'y a que le dimanche, paraît-il, que quelques Viennois s'égarent de temps en temps jusqu'ici. À ce moment, nous fuirons naturellement. Nous ne sommes venus ici que pour être seuls, complètement seuls. Cette solitude a un charme incomparable. Le premier et le second jour, c'était particulièrement charmant. Quand on s'aime, on supporte tout. Ce qui m'a gêné un peu, par exemple, c'est que ma chambre est peinte et non tapissée. Et c'est vraiment désagréable quand on passe la main sur les murs. Mais c'est rustique. Et d'ailleurs, nous y sommes si peu dans la chambre. N'avons-nous pas la forêt? En un mot, ce sont des jours heureux que ceux que nous passons ici, et ma douce aimée, ici on peut dire ma douce aimée, est jolie et pleine de tendresse. Lorsque je la regarde couchée comme en ce moment, souriante dans son sommeil, cela me fait de la peine de penser qu'il y aura une fin, une séparation. Elle bouge. Il faut que je ferme la lettre. Dans un instant, elle sera réveillée et me demandera ce que j'ai fait comme vers aujourd'hui, car pendant qu'elle dort, je suis censé faire des vers. J'avais, à vrai dire, commencé à en faire le premier jour pour lui faire plaisir, mais tu sais, c'est vraiment difficile. Avec cela, j'avais choisi un sujet tout à fait banal, l'amour. Cela n'a pas été du tout. Elle est tout à fait désolée d'avoir pour amant un poète et de n'avoir encore... La voilà qui ouvre les yeux. Au revoir, ton Alfred.